en si Jam, l'âne était petit. L'âne était petit et plein de pluie, et tirait la charrette qui avait passé la forêt. La femme, sa petite fille et le pauvre âne faisaient leur devoir doux, puisque dans le village ils vendaient pour le feu le bois des fruits de pin. La femme et la petite fille auront du pain qu'elles mangeront dans leur cuisine, ce soir, près du feu que la chandelle rendra plus noir. Voici Noël. Elles ont des figures douces, comme la pluie grise qui tombe sur la mousse. L'âne doit être le même âne qu'à la crèche qui regardait Jésus dans la nuit noire et fraîche, car rien ne change. Et s'il n'y a pas d'étoile cette nuit qui mène à Jésus les mages vieux, c'est que cette comète au tremblement d'eau bleue pleure la pluie. C'était aussi simple autrefois, quand les anges chantaient dans la paille du toit. Sans doute que les étoiles étaient des cierges, comme ce qu'il y a aujourd'hui près des vierges, et sans doute comme aujourd'hui les gens sans or, que Jésus, sa mère et Joseph étaient des pauvres. Il y a cependant nous autres qui changeons, si rien ne change. Et ceux qu'aiment bien le bon Dieu, comme autrefois aussi sous l'étoile d'eau bleue, c'est les ânes très doux aux oreilles bougeantes, avec leurs jambes minces, roides et tremblantes, et les paysannes douces et naïves du matin, qui vendent pour le feu le bois des fruits du pin.